la joue ombre et souffre. Tâchez de descendre à des retraites meilleures. Moi, Seigneur, voici que mon esprit vole. Après les cieux glacés de rouge, sur les nuages célestes qui courent et volent. Sur cent solognes longues comme un rêve. De l'idylle.